J'ai rencontré une fleur de bitume accoudée au comptoir, dans un bar où ça picole, où ça fume, où on refait le monde tous les soirs. Elle était belle et douce comme une plume, elle semblait briller dans le noir. Moi j'étais lourd comme une enclume, elle n'avait pas l'air de me voir. Elle était du genre à faire décrocher la lune, à vous figer d'un regard. Une petite fleur au milieu du bitume, je me voyais déjà être son trottoir. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai abordé. On a discuté jusqu'au matin, elle m'a dit de la raccompagner. Sa peau était douce comme du satin, elle était belle à en crever. Je l'ai quittée le lendemain et je n'ai jamais recroisé. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Cette aventure d'un soir qu'on n'oublie jamais plus, qui reste au chaud dans nos mémoires. Alors quand je vois une fleur qui a percé le goudron du trottoir, j'ai un pincement au cœur en repensant à cette histoire.